la mer et les sauvages. Le lendemain, on se réunit plus tôt que d'habitude. Les enfants en firent honneur à un premier déjeuner que Paul mangea avec délices, s'extasiant sur la bonté du lait, l'excellence du beurre normand. Il retrouvait en chaque chose des souvenirs d'enfance. Il regardait avec bonheur et reconnaissance son cher commandant qui lui tenait lieu de père. L'excellent monsieur de Rosbourg, non moins heureux que Paul, répondait à ses regards par un sourire affectueux. Devinant un peu d'inquiétude dans les yeux de Paul, « Ne crains pas que je te plante là, mon garçon, » lui dit-il. « Nous sommes de vieux compagnons, et nous resterons bons amis. Tu es mon fils, tu le sais. N'ai-je pas promis à ton pauvre oncle de Réan d'être ton père? Au lieu d'un enfant, j'en aurai deux. C'est une nouvelle bénédiction du bon Dieu quand on les a de premier choix, comme toi et ma petite Marguerite. » On sortait de table. Paul et Marguerite saisirent chacun une main du commandant et la couvrirent de baisers. Il en rendit un à Paul, une douzaine à Marguerite. Il fit un signe de tête amical à Sophie et il offrit le bras à madame de Fleurville pour la ramener au salon. La journée se passa à faire connaissance. On mena Paul voir toute la maison, le potager, la ferme, les écuries, le parc, le village, le petit jardin et les cabanes. Puis on alla faire tous ensemble une visite à le comte. En apercevant son commandant, il faillit tomber à la renverse. Monsieur de Rosbourg lui témoigna une grande amitié et lui promit de revenir le voir et de s'arranger de façon à l'avoir toujours près de lui. Après dîner, les enfants demandèrent à Paul de leur raconter ses aventures. Tout le monde se groupa autour de lui et il commença ainsi. « Sophie vous a raconté notre naufrage, mais elle ne sait pas comment il s'est fait qu'elle et moi nous soyons restés sur le vaisseau qui allait périr. Monsieur de Rosbourg me l'a expliqué depuis. Quand papa, maman, mon oncle et ma tante sont montés sur le pont, nous laissant en bas, dans la chambre, on avait déjà mis à la mer les chaloupes. Le commandant, voyant le vaisseau prêt à s'engloutir, fit partir le plus de monde possible sur la première chaloupe. Et ordonna à ses gens d'enlever les personnes qui restaient et de les sauver de gré ou de force en les faisant passer sur la seconde chaloupe. Des matelots enlevèrent maman et ma tante malgré leurs cris. Papa et mon oncle voulaient aller nous chercher. On leur dit que nous étions déjà embarqués. Dans le tumulte et la frayeur d'un naufrage, c'était vraisemblable. On les jeta dans la chaloupe où ils trouvèrent maman et ma tante qui nous appelaient à grands cris. Papa voulut s'élancer sur le vaisseau, on le retint de force. Mon oncle cria « Attendez-moi » et remonta sur le bâtiment. Il ne me vit pas, j'étais derrière le commandant. Mais il aperçut Sophie, il la saisit dans ses bras et courut à la chaloupe. On avait déjà coupé la corde qui la retenait au vaisseau, et sans écouter ses supplications et les cris de ma pauvre tante, ils s'éloignèrent. Leur chaloupe, trop chargée, fut presque immédiatement engloutie par une vague énorme, avant que mon oncle la perdît de vue. Alors, mon oncle voulut au moins me sauver, ainsi que Sophie. Il me demanda au commandant, qui lui représenta l'imprudence de se risquer tous ensemble sur une planche ou un morceau de mât brisé. Le Normand proposa de mettre à la mer un grand baquet, où mon oncle pourrait tenir avec Sophie. « Et Paul, dit mon oncle, je ne partirai pas sans Paul. » Comprenant enfin que s'il me prenait avec lui, le baquet ne pourrait plus supporter le poids, il consentit à me confier au commandant, qui lui jura qu'il ferait tous ses efforts pour me sauver, qu'il me soignerait et m'aimerait comme si j'étais son propre fils. Mon oncle partit avec Sophie. Je pleurais, car je croyais bien qu'ils allaient s'engloutir comme les chaloupes. Le bon Normand et M. de Rosbourg ne perdirent pas de temps pour faire un radeau, sur lequel le Normand mit un petit tonneau d'eau et des provisions. Il passa une hache à sa ceinture et à celle du commandant, pensa aux rames, à la boussole, et je me trouvai sur le radeau, dans les bras du commandant. Il regardait son pauvre vaisseau d'un air aussi triste que mon oncle m'avait regardé en me quittant. Et, quand le vaisseau acheva de se briser et fut enlevé par les vagues, je vis pour la première fois des larmes dans les yeux de mon cher commandant. Il se détourna, passa le dos de sa main sur ses yeux et reprit tout son courage. Je ne voyais plus le baquet de mon oncle. Les vagues étaient trop hautes. Pendant que le Normand ramait, M. de Roseburg me posa sur ses genoux en me disant « Dors, mon garçon, dors sur les genoux de ton père. Tu seras à l'abri des vagues. Appuie ta tête sur ma poitrine. » Je craignais de le fatiguer. Il me prit la tête et l'appuya de force sur son épaule. Je ne voulais pas m'endormir, mais je ne sais comment il arriva que, 5 minutes après, je dormais profondément. Je m'éveillai au jour. Ce bon M. de Roseburg n'avait pas bougé pour ne pas m'éveiller, et craignant que je n'eusse froid, il m'avait couvert avec son habit. En lui prenant les mains, je sentis qu'elles étaient roides de froid. Je le priai de remettre son habit, l'assurant que j'avais bien chaud. « Au fait, dit-il, voici le soleil qui commence à chauffer. La lune était moins agréable, n'est-ce pas, le Normand ? Cette diable de lune ne donne pas beaucoup de chaleur. » Et, me posant sur le radeau, il reprit son habit et le remit, non sans quelque peine, sur ses épaules glacées. M. de Roseburg, riant, « Tu exagères, mon garçon, tu me fais meilleur que je ne suis. La nuit avait été froide, mais pas autant que tu le dis. » Paul, « Je ne dis que la vérité, mon père. Quant à vous faire meilleur que vous n'êtes, ce serait bien difficile, pour ne pas dire impossible. » Tout le monde ayant applaudi des mains et de la voix, M. de Roseburg se leva en riant, salua de tous côtés, embrassa sa femme, Marguerite et Sophie, serra les mains de Paul et revint s'asseoir en disant « Je rends la parole à l'orateur. Les interruptions sont défendues. » Paul reprit en souriant « Ce qui me fait rire maintenant me semblait bien triste alors. Je me voyais orphelin, séparé pour toujours de ceux qui m'aimaient et que j'aimais. Je n'espérais pas revoir Sophie, ni mon oncle, et je me trouvais sur un misérable radeau, confié à la bonté de mon cher commandant, qui pouvait à chaque minute se trouver englouti avec moi au fond de la mer. » M. de Roseburg, il est certain que la position n'était pas gaie. Paul, le vent nous poussait vers la terre, mais nous eûmes de la peine à aborder, parce qu'il y avait des rochers contre lesquels les vagues venaient se briser. Il fallut toute l'habileté de M. de Roseburg et du brave Normand pour que notre pauvre petit radeau ne fût pas mis en pièces. Enfin, il entra dans une eau tranquille. Le Normand redoubla d'efforts avec ses rames et nous nous trouvâmes sur le sable. Le commandant me prit dans ses bras et me porta sur le rivage à l'abri des vagues. Le Normand roula à terre le tonneau d'eau et le peu de provisions qu'il avait pu emporter sur le radeau. Il se mit à genoux près du commandant pour remercier le bon Dieu de nous avoir sauvés. Je priais pour mes pauvres parents, pour toi, Sophie, et pour mon oncle, et je ne pus m'empêcher de pleurer en pensant aux dernières heures que nous avions passées sur la Sibylle et à ceux que je ne reverrai plus jamais, jamais. Le commandant me serra contre son cœur et me dit « Paul, tu es mon fils, je suis ton père, le seul qui te reste en ce monde, et je jure que je serai ton père tant que je vivrai. » Il a bien tenu parole, ce bon et cher père, vous le verrez bien par la suite de mon histoire. M. de Roseburg, « Paul, mon ami, tu racontes mal. Pourquoi diable vas-tu parler de moi, quand nous étions trois, sans abri, presque sans nourriture, et que tes amis attendent pour savoir comment le bon Dieu nous a tirés de là ?» Paul, « Non, mon père, je raconte bien, car c'est mon cœur qui parle, et je serais un ingrat si je taisais toutes vos bontés pour moi. » « Papa, dit Marguerite en se jetant à son cou, vous avez interrompu, vous devez être mis à l'amende. » « C'est juste, dit M. de Roseburg en l'embrassant, que faut-il que je fasse pour ma pénitence ?» « Il faut que vous laissiez Paul parler de vous, comme il l'entend, et sans l'interrompre. » M. de Roseburg riant, « Diable, la pénitence est rude, mais c'est toi qui me la donnes, je me soumets. Parle, mon garçon, parle, ménage-moi, je t'en prie. » Paul, « Non, mon père, je dirai la vérité, toute la vérité, et j'en dirai bien d'autres, quand vous n'y serez pas. » M. de Roseburg, « Eh bien, ça promet. Merci bien, mon ami, tu veux donc me faire filer ?» Marguerite, « Oh, vous ne vous en irez pas, papa. Je vous tiens prisonnier, et nous vous garderons tous. » Et elle s'installa sur les genoux de son père, qui la regarda avec tendresse et l'entoura de ses bras. Paul, Après avoir fait un maigre déjeuner de biscuits et d'eau, nous allâmes tous les trois à la recherche d'un abri pour y déposer nos provisions. On apercevait dans le lointain des arbres qui paraissaient former un bois. Le soleil commençait à piquer. Le commandant craignait que l'eau du tonneau ne se gâtât avant que nous eussions découvert une source. Aidé du Normand, il le poussa à l'ombre d'un rocher un peu creusé par le bas. Il me proposa de me mettre là, pendant que lui et le Normand iraient jusqu'au bois pour voir s'il n'y trouverait pas un ruisseau et des fruits. Mais je lui demandai de ne pas le quitter, et il m'emmena. Le chemin était difficile. Le Normand marchait en avant et brisait avec sa hache les joncs et les plantes piquantes qui l'empêchaient d'avancer. Je commençais à me repentir de les avoir suivis, quand le commandant, voyant mes bras attachés de sang, me prit sur ses épaules malgré ma résistance. Le Normand voulut me porter, mais le commandant lui dit « Tu as une tâche plus rude que la mienne, en marchant en avant et en me frayant un passage, aux dépens de ta peau, mon brave Normand. Il n'est pas lourd, ce garçon. Et puis, est-ce qu'un enfant pèse jamais trop sur les épaules de son père ?» Le Normand obéit et marcha en avant. Je me repentis bien plus encore de n'être pas resté sous mon rocher quand je vis mon pauvre père trempé de sueur et plié malgré lui sous mon poids. Je lui demandai de me laisser marcher. Il ne le voulut pas. J'essayai de me glisser de dessus ses épaules. Il me retint d'une main de fer et me dit « N'essaye plus, car je t'attache si tu recommences. » Nous avancions lentement. Nous mîmes plus d'une heure à arriver à cette forêt, car c'en était une. Le terrain y était assez doux et uni. Le commandant me posa à terre. Nous nous assîmes à l'ombre de ces grands arbres qui étaient des palmiers cocotiers et des palmiers dattiers. Le Normand nous apporta quelques noix de coco et aussi des dattes tombées des palmiers. Le commandant ouvrit une noix avec sa hache. Il me fit boire l'eau, ou plutôt le lait qu'elle contenait. C'était frais et délicieux. Puis il me fit manger la chair de cette noix. Je la trouvai excellente et je regrettai amèrement que ma pauvre Sophie ne pût pas en goûter avec moi. Sophie avait toujours été de moitié dans tous mes plaisirs, dans tous mes projets, dans toutes mes sottises même, car j'exécutais ses idées qui n'étaient pas toujours heureuses, il faut le dire. Note. Voyez les malheurs de Sophie, du même auteur. Fin de note. Et maintenant, je me la représentais dans ce vilain baquet qui sautait sur ces énormes vagues, et je croyais bien qu'elle était engloutie par la mer, ainsi que mon pauvre oncle. Sophie lui tend la main, il la serre et continue. Je m'aperçus que mon père me regardait boire et manger, et ne mangeait pas lui-même. « Et vous, mon père, lui dis-je, prenez, prenez, vous avez chaud, vous avez soif. Ne t'occupe pas de moi, mon cher enfant, je suis un homme, un marin. Je sais supporter la faim, la soif, le chaud, le froid. Je suis content de te voir manger et boire de bon appétit. Oh, mon père, je n'ai plus ni faim ni soif si je ne vous vois pas partager ces provisions. Et le bon Normand, où est-il ? Il est allé chercher d'autres noix, s'il peut en trouver. » Je refusai de toucher à ce qui restait, et je priai si instamment le commandant de le partager, au moins avec moi, qu'il finit par y consentir. Je vis, avec bonheur, ses lèvres desséchées par la soif, se tremper dans le lait si rafraîchissant des noix de coco. Quelque temps après, le Normand revint, apportant encore quelques noix et des dattes fraîches. Nous nous en régalâmes tous les trois. Je me sentais fatigué par la chaleur. Je voyais les yeux du commandant se fermer malgré lui. Le bon Normand paraissait aussi fatigué. Je demandai si je pouvais dormir. « Dors, mon ami, » répondit mon père. « Nous ferons bien aussi un somme. La nuit a été rude et la chaleur est accablante. Allons, mon Normand, étends-toi près de nous et tâchons d'oublier en dormant. » Le Normand obéit. Il s'étendit à ma gauche. Le commandant s'était couché à ma droite. 2 minutes après, je dormais profondément. Je crois que j'avais dormi longtemps, car, en m'éveillant, je sentis la fraîcheur du soleil couchant. J'ouvris les yeux, j'étais seul. J'eus peur et je poussai un cri. Mon père accourut aussitôt, me demanda ce que j'avais. « Rien, lui dis-je, je ne vous voyais plus, je croyais que vous m'aviez abandonné. Jamais, je n'oublierai l'air triste et affligé de mon pauvre père quand il entendit ces paroles. « Paul, mon fils, dit-il d'une voix émue, comment as-tu pu avoir une telle pensée? Tu ne crois donc pas que je suis ton père? Et quand as-tu vu un père abandonner son fils? Paul, ne doute jamais de moi. Pardon, pardon, mon père, mon seul ami, lui dis-je, en me jetant dans ses bras. C'est en m'éveillant, le premier mouvement. Oh oui, je sais, je sens combien vous êtes bon pour moi. Meilleur, bien meilleur que ne l'a été mon propre père, qui ne m'aimait pas et qui ne s'occupait jamais de moi. Silence, Paul, reprit le commandant. Respect aux morts. Si tu n'as rien de bon à en dire, n'en parle qu'à Dieu, en priant pour eux. La faim se faisait sentir, je demandai à manger. Nous t'attendions pour dîner, me dit mon père. Le couvert est mis, ici, à côté. Viens voir notre salle à manger. Je le suivis. Il me mena dans un fourré où il avait fait, avec sa hache, aidée du Normand, et pendant que je dormais, un passage comme un corridor. Au bout, il y avait comme une grande salle, taillée aussi dans le fourré. Ils avaient étendu par terre d'énormes feuilles de palmiers dattiers et de cocotiers. Sur une de ces feuilles, large comme une table, étaient plusieurs noix de coco, ouvertes, et une espèce de pomme de terre que le Normand avait fait cuire dans de l'eau de mer pour les saler. Une énorme coquille lui avait servi de casserole. Il avait été chercher aussi le tonneau d'eau et nos provisions, et avait rapporté en même temps la coquille et l'eau salée. Mon pauvre père, de son côté, avait travaillé à notre logement, au lieu de se reposer de ses fatigues. Je m'assis à terre, entre eux, et nous mangeâmes tous avec un appétit qui faisait honneur aux cuisiniers. Comme nous achevions notre dîner, un bruit singulier se fit entendre. Mon père se releva d'un bond, le Normand lui fit signe de ne pas bouger. Ils écoutaient avec une anxiété qui me fit peur. Je me serrai contre le commandant, il se baissa et me dit tout bas, « Ne bouge pas, ne parle pas, ce sont des sauvages qui débarquent. » Ce mot de sauvage glaça mon sang dans mes veines. Je me voyais déjà manger avec mon pauvre père et le bon Normand. Le commandant, me voyant trembler, chercha à me rassurer par un sourire et me dit encore tout bas, « N'aie pas peur, mon ami, tous les sauvages ne sont pas si méchants. Mais, comme nous ne les connaissons pas, restons tranquilles pour leur échapper. Pendant que je te garderai, le Normand va tâcher de les reconnaître. Il saura bien de quelle tribu ils sont et s'il faut les fuir ou nous montrer. » Pendant que le commandant parlait, je vis le Normand se mettre à plat ventre et se tramer ainsi dans le fourré en prenant les plus grandes précautions pour ne pas faire de bruit et pour ne pas être vu. Il rampa hors du bois, mais, avant de sortir du fourré, il coupa des branches et des ronces et les piqua à l'entrée de notre allée pour la bien cacher à la vue des sauvages. Mon père me fit quitter la cabane et me traîna avec lui dans un massif de jeunes cocotiers. À mesure que nous passions, il avait soin de relever les branches et les herbes foulées par nous, pour enlever toute trace de notre passage. Peu de temps après le départ du Normand, nous entendîmes les sauvages courir de côté et d'autre, et s'appeler entre eux. Le bruit approchait. Je me tenais tremblant tout près de mon père, qui me serrait contre son cœur, et me faisait signe de me taire. Un cri général des sauvages nous fit voir qu'ils avaient découvert notre allée. L'instant d'après, ils se précipitaient dans la salle que mon pauvre père avait faite avec tant de peine. Je crus voir sur son visage une vive inquiétude. Le Normand ne revenait pas. Les sauvages l'avaient-ils découvert et fait prisonnier? À chaque minute, nous nous attendions à les voir apparaître. Une fois, nous entendîmes craquer une branche si près de nous que mon père, m'écartant doucement, saisit sa hache et se tint prêt à frapper. Pendant quelques instants, nous restâmes immobiles, osant à peine respirer. Le bruit cessa, les voix s'éloignèrent, nous nous crûmes sauvés lorsque je sentis tout à coup une main qui me saisissait la jambe. Je ne criais pas, mais je me raccrochais à mon père, qui me regarda avec surprise. Il ne voyait pas la main qui me tenait, et moi je me sentais entraînée.